Quand y a pas de goût, je mets du gruyère. Quand ça fait mal, je mets du temps. Grandi en mangeant des pierres, en serrant les dents, les deux en même temps. Tout gamin, on faisait des prières, les pieds dans la flaque comme si c'était la rivière. Bah ouais, on sera jamais vraiment rassuré de façon. Y'a maman qui pleure toute la nuit. Et tu crois que j'ai relu mal son. Des cris et des doutes, on a plein de raisons. Parents divorcés, on a plein de maisons. Le ciel est plus gris que le trottoir. Mais t'inquiète pas, y'a plein de saisons. Moi, je savais pas qu'il y avait d'autres régions. Je savais pas qu'il y avait d'autres métiers. Je savais pas qu'il y avait de l'horizon. Je suis pas bien quand faut profiter. Parce que dans nos cœurs, y'a trop de questions. Parce que dans mon cœur, y'a trop de questions. À la base, y'a que la CAF qui a moins RIB. Y'a trop de vos noms après les RIP. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, je savais pas qu'il fallait vérifier. Je suis dans un gamos en cuir noir mat. Le cuir, la voiture, elle est grise. J'aime pas trop quand ton pote il blablate. Mais je devrais les aimer. Je devrais les aimer. En ce moment, je les emmerde. Ah ouais. Peut-être qu'il faudrait m'aider. J'ai des nouvelles questions, je fais un nouveau CD, je fais un nouveau truc. Nouvelle journée, nouvelle question, nouveau but. Y'a un nouveau problème. Je fais pas le sourd ou l'autruche. Bah ouais, on va changer, c'est la vie, y'a rien à faire. Capuché comme à l'époque des baladeurs. Des yeux qui font comprendre que c'est pas la fête. Je voulais l'aider, il m'a dit c'est pas la peine. Ça fait phaser comme quand y'a une balle à terre. La caravane passe plus par ici. Mais les chiens c'est cosy comme juste avant une grosse averse. Les clopes nous ont creusé la peau. Elle a des yeux couleur bleu hématome. Je mélange le riz et la sauce. Depuis les biscuits en tricératops. Pour la culture et la cause. Je rappe pour la culture et la cause. Bah ouais. On est des fils d'ouvriers, on va pas devenir des riches trous du cul. Je rappe le bruit du vide dans la solitude. Le bruit du bonheur dans la folie pure.